Cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir. Indoman, tfadal. بالصراط نعم فما هو معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط c'est quoi la croyance des salaf concernant le sirat عند من عندك بعد عن الحساب يعني يعتقدون نعم يعتقدون أن المسلمون يعني المؤمنين يمرون على الصراط نعم فيعتقدون رحمهم الله أن يوم القيامة يضرب جسر أي هذا الصراط على جهنم أي un pont qui sera levé sur النار والمؤمنون يتخافرسون ce pont كل واحد pour rapport à ses أعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يمر كالبرق وبعضهم كالريح والبعض كالطير كما في حديث أبي سعيد كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنهما le premier في الصحيحين le deuxième في صحيح مسلم كذلك حديث أبي حديث أبي أو حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم ما الدليل على هذا الصراط كيسكي حفظ un دليل qui montre أو qui prouve ce صراط وإن منكم إلا واردها إلا واردها إلا واردها نعم وإن منكم إلا واردها فبعض المفسرين ils ont dit أن المراد بهذا الورود c'est الصراط أي la traversée du صراط c'est ça القول الصحيح ومن السنة نعم تفضل عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس أحسنت قال النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط qui c'est qui a rapporté ce hadith عن عائشة أي dans quel livre صحيح مسلم نعم الحديث il est في صحيح مسلم كذلك الشيخ محمد حفظه الله il a cité ما يتعلق بوصف الصراط أي les aspects, les caractéristiques de ce sirat. فماذا؟ ماذا قلنا؟ عند من؟ تفضل. نعم. أنه أدق من الشعرة. زيد. أحد من السيف. أحد من السيف وأدق من الشعرة. Qui c'est qui a rapporté ce athar? أبي سعيد. نعم أبو سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال بلغني أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف أو كما قال رضي الله عنه. Il y a beaucoup de أو certains hadiths qui appuient هذا. Et on a vu هذا الكلام. من يقرأ قبل أن نبدأ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي مغزنق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلاما يحققني في قوله لا ينفني عنهم ولا يتبدلني حب الصحابة كلهم حب الصحابة كلهم لي مذهبهم ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكن مسجدك منهم أهدر وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو كريم منزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات صفات من روحها حقا كما نقلت الطراز الأول وأعود أحدثها إلى إلى نقالها وأسلمها عن كل ما يتخيل قبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أعرج بأني منه غيا أنهم وكذا الصراط المد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر محمم والنار يصلاها شقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عقل في قبره عمل مقابله هناك ويسأل. أحسنت. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. Donc après avoir cité As-Sirat عليه رحمة الله, il cite l'étape suivante: فمن عقيدة السلف من عقيدة المؤمن أنه يكروي أن الله سبحانه وتعالى il a créé النار pour l'ashqiya, aïe, ceux qui meurent à l'al-kufr ou al-dhalal. Ils ne meurent pas à l'islam ou l'iman. Et que d'alik, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé al-jannah pour al-muttaqi. Wa kada al-taqiyu ila al-jinani sayudkhalu. Et tout ça, c'est bi-hikmah. Wa al-naru yaslaha al-shaqiyu bi-hikmatin. Fallah, il a une hikmah. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا فَالسَّلْوِي كِي رَنْتْرَ فِي النَّارِ عِيَادًا بِاللَّهِ فَالسَّبِي سَبَبْ عَمَلِهِ اي كُفْرِهِ وَطُغْيَانِهِ أما الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب pour montrer à جميع الناس الهدى اي الخير الحق لكن بعض الناس عِيَادًا بِاللَّهِ malgré que le haq il est clair, il refuse et il rejette. Bel il combat le haq. Fahaula, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a préparé un nar. Iyadam billah. Fahnahnou, on croit que Allah il a créé al-jannah et on croit que Allah il a créé le nar. Et on croit que il y aura un jour où Allah subhanahu wa ta'ala il jugera ses ibad et certains ils iront fil jannah et d'autres fil nar. Et ce iman, il est important. L'imada, il y en a celui qui croit en le jannah, il fera tout pour être min ahli le jannah. Et le seul moyen pour faire partie de ahli le jannah, c'est de haqqaq taqwa Allah azza wa jal. Wa kada taqiyu ila le jinani sayudkhalu. Donc, ce abd, il fera des efforts. Et taqwa, c'est at-tawhid, l'iman. C'est obéir à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont interdit. Faire des efforts fi dinillah. C'est ça le taqwa. Donc, Su'ab, il fera tout pour faire partie de ha'oula, ahlu taqwa, et rentrer fil jannah. Kadhalik, il fera tout pour s'écarter de nar. Et la principale cause qui fera rentrer al-kuffar finnar, c'est leur kufr et leur shirk. Donc ce abd, il fera tout pour adorer Allah Azza wa Jal seul. Il fera tout pour croire en Allah, et croire en ses messagers, et croire en tout ce que ses messagers nous ont informé. Hatta il s'écarte de nar. Kadhalik, il fait attention au ma'asi. Kadhalik, il sait que cette dunya, c'est qu'une étape. Pourquoi il a cette croyance? Il a al-jannah, ou nar, c'est dar al-qarar. كما سيأتي معنا لا تفنيان ولا تبيدان أي c'est une demeure éternelle. Donc ce abd, avec cette croyance, il fera tout pour préparer cette demeure éternelle. Et c'est là la différence, ou une des énormes différences entre le mu'min et le kafir. أما الكافر فلا يؤمن بهذا. Et même s'il croit en هذا, il ne fait pas les causes pour rentrer fil jannah, il s'écarte de nar. Il ne s'écarte pas du kufr, il ne délaisse pas le shirk. il ne veut pas croire au prophète Mohammed, il ne veut pas suivre le din. Fahada, il y aura une énorme différence avec le mu'min. Le mu'min, cette dunya, il sait que c'est une étape pour l'akhira. Il fait tout pour préparer l'akhira. Al-kafir, il a oublié ce jour. Il ne fait aucun effort pour ce jour. C'est pour ça que tu vois tous ses efforts, c'est pour ad-dunya. Donc cette aqidah, elle est importante pour le mu'min. La taghfal an tadhakkuri hadha al-yawm. N'oublie pas hadha al-yawm. Yawmiyan, tu te rappelles. On n'a qu'à cette étape, on passera tous par hadha. Et par ce jour, le jour des comptes. On laisse Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من أهل التقوى ومن أهل الجنة. قال الشيخ محمد حفظه الله تعالى: هذه شهادة عامة للأشقياء وهم الكفار بالنار وللأتقياء بالجنة. أي celui qui meurt على هذا الوصف أي الكفر à sa demeure ça sera النار. Et celui qui meurt على التقوى على التوحيد على الإيمان على الإسلام فسادمر سسرى الجنة بإذن الله عز وجل. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. دو كاتيجوري يوم القيامة. قال عز وجل: يوم تأتي لا تكلم نفس أي يوم تأتي الساعة يوم القيامة بخسن ne parlera illa bi'idhnillahi azza wa jalla. Qala subhanahu la takallamu nafsun illa bi'idhnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id. Donc il y aura deux catégories. Al-ashqiya, les malheureux, ceux qui sont morts à al-kufr ou à ghayri ta'ati Allah wa ta'at rasulih sallallahu alayhi wa sallam, ils feront partie de l'ashqiya, ceux qui ont tout perdu. Leur dunya, tous les efforts qu'ils ont faits, que ça soit niveau argent, niveau enfant, niveau demeure, tout ce qui est lié à dunya, ça leur sera d'aucune utilité. Faminhum shaqi wa sa'id. Et une autre catégorie, as-su'ada. Et ils seront heureux. Ils sont morts à l'iman. Ils ont fait des efforts. Ils ont préparé ce jour. Fabi'idnillahi azza wa jal. Les efforts qu'ils ont fait dunya, ça sera utile yawm al-qiyam. قال سبحانه فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أما الذين شقوا أي الكفرة ففي النار. Ils sont في النار. Pourquoi? لأنهم ils ont pas fait d'effort pour ne pas rentrer في النار. Ils ont pas fait d'effort pour rentrer في الجنة. Ben ils croyaient pas, ils se moquaient, ils combattaient, ils insultaient, ils doutaient. قال لهم فيها زفير وشهيق. قال الشيخ سعدي أي هو أشنع الأصوات وأقبحها. أي c'est un son قبيح, un son désagréable. Pourquoi? لأنهم يسون في عذاب. يسون في عذاب. فالآن ce châtiment il les poussera à crier, à hurler, et ça leur sera d'aucune utilité. لأنهم ils ont été prévenus. الله سبحانه وتعالى لجست. فلهذا يقول عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي الله يشترى بيرسون que après lui avoir envoyé un messager. أي la preuve. فهؤلاء ils ont reçu la preuve. هؤلاء ils ont combattu les messagers. هؤلاء ils ont pas cru. هؤلاء ils ont douté. هؤلاء ils ont refusé. Ils ont tourné le dos. فالآن يوم القيامة quand ils rentreront في النار ils seront على هذا الحال. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il montre أن cette demeure elle est éternelle. خالدين فيها أبدا. Ou khalidina fiha hula. Et dans d'autres versets, khalidina fiha abada. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah il fait ce qu'il veut. Et ma'a hada, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. C'est le karim, c'est arhamur rahimin. Il commet aucune injustice, subhanahu. لكن il fait ce qu'il veut. هؤلاء il mérite ce châtiment. وأما الذين سعدوا المؤمنون ceux qui ont fait d'efforts في الإيمان ceux qui ont fait d'efforts في دين الله عز وجل في طاعة الرسول ils ont fait des sacrifices ils ont délaissé certaines choses pour Allah ils ont fait d'autres pour Allah subhanahu wa ta'ala ils se sont fait insulter on s'est moqué d'eux tout ça pourquoi لأنهم ils voulaient satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala فيوم القيامة ils auront la récompense وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود عطاء غير مجدود أي غير منقطع غير مقطوع cette récompense elle sera pas arrêtée et ça c'est important كما قال ابن كثير رحمة الله عليه dans les versets qu'on a cités قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك بعض الناس ils peuvent comprendre أن c'est possible que ça s'arrête لأن الله عز وجل قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها أي seront éternellement dans cette demeure ما دامت السماوات والأرض tant qu'il y a les cieux et la terre إلا ما شاء ربك sauf si Allah il veut autrement واحد il peut comprendre أن ça pourra s'arrêter Allah subhanahu wa ta'ala il a cité à la fin du verset عطاءً غير مجدود أي ça s'arrêtera pas il n'y aura pas de coupure donc c'est la demeure éternelle et on verra bi'idnillahi azza wa jal la parole de l'imam al-Tahawi il a cité pour montrer la croyance de l'Ahl-Sunnah an al-Jannah wa al-Nar c'est des demeures éternelles ça ne s'arrêtera jamais et fil haqiqa al-aqil il fait tout pour préparer cette demeure éternelle wa lil-asaf بعض الناس ils se mettent en danger eux-mêmes bal ils perdront cette demeure éternelle أي في الجنة في السعادة tout ça pour quelques années في الدنيا alors que في الحقيقة celui qui pense celui qui réfléchit celui qui médite et tout ça c'est بتوفيق الله أن il ne peut pas faire devancer cette dunya ou passer faire passer cette dunya Arubama c'est une histoire d'heures une histoire d'années une histoire de jours avant Al-Akhira لأن Al-Akhira c'est les comptes ثم la récompense إما récompense الجنة إما châtiment النار ولهذا الإنسان il doit avoir cet objectif لكن fais attention أن beaucoup de choses si tu n'es pas conscient et si tu ne fais pas attention beaucoup de choses elles peuvent nous écarter de cet objectif خاصة الدنيا وقال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار c'est une bouchra وبشر أي annonce la bonne nouvelle à qui الذين آمنوا وعملوا الصالحات et c'est ça التقوى dans le premier verset Allah subhanahu wa ta'ala قال oh dans plusieurs versets Allah subhanahu wa ta'ala il démontre أن الجنة c'est pour المتقين إن للمتقين مفازا et dans ce verset il montre أن الجنة c'est pour الذين آمنوا وعملوا الصالحات donc c'est ça l'essentiel fais des efforts dans ces deux points si tu veux الجنة الجنة c'est pas quelque chose qui s'achète أي بمال c'est pas quelque chose qui se transmet de famille en famille un héritage là الجنة si tu veux cette demeure concentre-toi sur ces deux points الإيمان والعمل الصالح الإيمان c'est cette عقيدة qu'on apprend ensemble والله الحمد et العمل الصالح c'est tout ce qui est venu في القرآن وفي السنة comme عمل que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné ou nous a recommandé ou son messager صلى الله عليه وسلم كذلك écarte-toi de ce qui contredit ces deux points Al-Kufr wa Shirk ça contredit l'Iman et كذلك Al-Bida' Al-Bida' wa Al-Khurafat ça contredit l'Amal al-Salih il y en a بعض الناس ils pensent avoir l'Iman et في الحقيقة ils n'ont pas l'Iman وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قَالَ عَزَّ وَجَلَ la plupart d'entre eux ils croient لكن c'est des mushrik pourquoi لأنهم ils ont cette croyance أن الله c'est le créateur أن الله c'est lui qui a tout créé qui gère tout qui donne la vie qui donne la mort et الربوبية لكن ils font du shirk في al-uluhiyya fi al-ibad. Fa al-haqiqa leur iman il est batil. Pourquoi? Li'annahum ils l'ont annulé avec shirk. Fa anta, fais attention à ce iman, préserve-le bit-tawhid. Aïe, en apprenant le tawhid. Et كذلك, préserve-le en t'écartant du shirk. Et tu dois connaître c'est quoi le shirk. كذلك al-amal al-salih. كثير من الناس ils font des a'mal et c'est pas des a'mal salihah. Haqiqa ils se fatiguent. بل s'ils savent ils sont في إثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc c'est grave malgré que cette personne qui fait ce عمل, pour lui ce عمل c'est un عمل صالح, لكن si il est pas fondé sur le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم c'est pas un عمل صالح. C'est pour ça que vous remarquez dans plusieurs versets Allah subhanahu wa ta'ala دائما il cite العمل et il cite أنه il est صالح. Ça ne suffit pas d'œuvrer. Il faut que cette œuvre elle soit saliha. Elle sera saliha qu'avec deux choses. L'ikhlas ou l'mutaba. Donc c'est ça, tariqu al-jannah mukhtasaran. Obéir à Allah, obéir à son message. Faire des efforts fi tawhid, s'écarter du shirk et du kufr. Faire des efforts fi as-sunnah, apprendre, appliquer, transmettre et s'écarter de tout ce qui contredit cette sunnah. Là, ils auront la récompense qui est citée. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم الشيخ محمد السيت دي فيرسي après avoir cité des versets sur Al-Mu'minun qui rentreront fil Jannah, il cite des versets fi Al-Kuffar. La première partie, il a cité les versets min Surat Hud, ça parle des croyants qui iront fil Jannah et des Kuffar qui iront fil Nar. Thumma, il a cité des versets que sur les croyants, min Surat Al-Baqara et Surat Al-Kahf, qu'on vient de lire. Thumma, l'un, il cite ces deux versets, min Surat Al-Bayyinah, sur Al-Kafara Khas. Qala, Ulaika hum. شر البرية بل في سورة البينة كذلك إلى سيتي لفرسي في المؤمنين. Donc on a dit ce cas أي الشهادة أو الحكم على المعين. Il y a deux cas, le vivant et le mort. On parle des كفار الآن, on parle pas de المسلمون سيأتي معنا. الكافر s'il est vivant فلا يجوز أن نشهد له بالنار. Pourquoi? لأننا on sait pas على ماذا سيموت. لأن كم من الكفرة ils ont fait التوبة. ففي هذا الحال si tu dis أنه il est في النار alors qu'il est encore vivant فكأنه tu sais il va mourir على ماذا. وهذا لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. Donc الإنسان يتقي الله في هذا. Ça sera rien. Si c'est un kafir et tu penses qu'il peut accepter le haq fais lui une da'wa. Si c'est un kafir qui combat le haq فأمره إلى الله. Demande Allah سبحانه وتعالى qui te préserve de son sort. أما dire qu'il est من أهل النار فما تدري. Sauf si on a un دليل أن الله سبحانه وتعالى حكم على شخص أو على مخلوق أنه il est في النار. مثلا إبليس. إبليس il est vivant. Et on a des preuves qu'il ira في النار éternellement. C'est إمام الكافرين. فإبليس on dit il est في النار. Ou à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines preuves, elles ont des preuves claires, anna Aba Lahab et sa femme et Abu Jahl, etc., ils faisaient partie de Ahl al-Nar. Mais haoula, nous, l'an, ils sont morts. Nous, dans le haqiqa, ce cas, l'an, haoula, ils sont morts, donc naqoul, annahum, ils sont fil nar, li anna, on a un délit. Ça, c'est le premier cas, les vivants. Donc les vivants, on n'a pas le droit, sauf si on a un délit. On a donné l'exemple de Iblis. Deuxième cas, annahum s'ils sont morts. Mathalan un kafir, yahoudi ou nasrani, il meurt. Est-ce qu'on peut dire il est fin nar? Fafi hadhihi al-mas'ala ya khilaf kabir bayn ahl al-ilm. Et on l'avait détaillé dans deux cours, walillahi alhamd, et on les a propagés. Enfin, celui qui veut les détails, il revient à ses cours. Et le khulasa, wal qawlu sahih, annahu si c'est un kafir, et il est mort على الكفر الواضح مثلا un juif, un chrétien, on n'a aucun dalil c'est devenu un musulman, on dit il est في النار. Ça, c'est le qawl sahih. Les anna l'islam, pour se convertir à l'islam, il est obligé, ce kafir, de prononcer une parole, ou de faire certains a'mal. Et هذا الان, on sait qu'il est mort à l'al-kufr. Et on n'a aucun dalil à l'al-hada. Il y a juste de dire annahu, il est fin nar. Il y a بعض العلماء, dans Kutub l'i'tiqad, ahyanan, il cite Ibn Arabi, ou d'autres zanadiqa, et ils disent annahu, il est fi nar al-jahannam. Donc ça montre anna بعض العلماء, ils ont choisi ce qawl, et c'est le qawl sahih. D'autres savants, ils disent là. Ils disent, tu sais pas, il est mort à la mada. Certains savants, ils préfèrent ne pas dire annahu, il est fi nar. Mais le haqiqa, ça change en rien le cas de cette personne. Anna aussi, il est finnar, il ira finnar. Même si tu dis, il n'est pas finnar. Et s'il n'est pas finnar, il ne sera pas finnar. Même si tu dis, il est finnar. Lakin, nahnu min hayth cette mis'ala ilmiya, de savoir, sache qu'il y a deux qawl. Et le qawl sahih, c'est que yajouz de dire, il est finnar, kama fa'ala ba'du as-salaf. Et raji, la kalima qu'on a dit, on avait détaillé avec des preuves, avec des paroles de savants. Fa'radi'ouha pour celui qui veut détailler ce sujet. Et il reste un cas, si on a des doutes. Ça arrive, hada. Khassatan des personnalités, des célébrités, ma'roufines, ahyanan, ils meurent, et il y a des rumeurs. Ça arrivait beaucoup, hada. Enfin, ba'dhum, ils disent, il s'est converti, ba'dhum, ils disent, il s'est pas converti. Fa fi hada al-hal, s'il y a des doutes, là, tujzim annahu, il est finnar, tu sais pas. La'allahu, ceux qui disent qu'il a fait tawbah ou s'est devenu un musulman, ils avaient haq, ils avaient raison. Fala, dans ce cas-là, ne t'avance pas. Allahu a'lam bihali. Ça arrive souvent. Amma un kafir qui a combattu l'islam toute sa vie, Yahoudi, Nasrani, et on sait qu'il est mort à l'al-kufr, c'est ça la base. Il n'y a aucune preuve. Personne ne dit qu'il s'est converti, même ses proches. Fahada, wallahu a'lam annahu. On peut dire annahu, il est fin nar. Raji', cette kalima est. Cheikhuna Cheikh Saïd Da'as, rahmatullah alayhi, il a écrit une risala à ce sujet. Celui qui veut les détails, et nous, la kalima qu'on avait fait, c'était un résumé. Aou, c'était le même sujet. Ça, c'est par rapport à Ahl al-Nar. Al-An, deuxième, mas'ala qui cite Ahl al-Jannah. Qal wa amma al-shahadatu li mu'ayyanin annahu min Ahl al-Jannah fa fiha thalathatu aqwal. Il y a trois avis. Est-ce qu'on peut dire qu'un tel il est min Ahl al-Jannah? Donc le premier cas c'était sur les kuffars, le deuxième cas c'est sur les musulmans. Amma dire un musulman annahu il est fi an-nar, fa hadi c'est azim, quelque chose de azim. لانه c'est un musulman, il fait des efforts, fa limada dire qu'il est fi an-nar. لان si واحد dit sur un musulman annahu il est fi an-nar, ça veut dire qu'il le kaffar, que c'est un kafir. Wa man qala li akhihi ya kafir فقد بأى بها أحدهما. Celui qui dit à son frère il est kafir, et c'est pas vrai, ça revient sur lui. فالإنسان يتقي الله يتقي الله ولا يقول إلا خيرا, surtout sur les gens. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. Celui qui dit sur son frère une chose qui n'est pas véridique, il ment sur son frère. Annahu c'est un kafir, annahu c'est un voleur, annahu c'est kada, et c'est pas vrai. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, qala nabi sallam, askanahu Allah radghat al-khabal. Ayyom al-qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fera rentrer fi radghat al-khabal. Et ils ont demandé à nabi sallam, c'est quoi radghat al-khabal? Fa qala nabi sallam, usar, ou na'am, usarati ahl al-nar. Et c'est la sueur, c'est le sang, c'est toutes les mauvaises choses d'ahl al-nar. Ça va former un fleuve. هذا الانسان sera mis dans ce fleuve, عياذ بالله. فالانسان يتقي الله. بعض الناس ils ont la parole facile et c'est fondé sur des doutes. Un tel c'est un cas, un tel il a fait ça. في الحقيقة, si tu te renseignes, c'est pas vrai. Tu lui demandes la preuve, ما يدري. J'ai entendu, on m'a dit, beaucoup c'est fondé sur la jalousie. الانسان يتقي الله. Enfin, t'as des preuves, parle بعلم. Là, t'as pas de preuves, personne ne t'impose de parler, personne te demande de parler بغير علم. بل الحقيقة celui qui parle sans ilm, il se fait que du mal, surtout dans ce bœuf. Fulan c'est un muslim, fulan c'est un kafir, fulan c'est un mubtadi, fulan c'est un kada. L'insan yattaqi Allah, il parle bi'ilm. Et pour parler bi'ilm, il faut faire des efforts fil ilm. Il faut revenir à ahl al-ilm, celui qui veut l'ilm. Amma tout le monde parle dans ces choses, comme on voit l'an fi takfir wa fi tabdi', fahada, ça fait du mal beaucoup. Donc on revient en trois cas. Le premier, أي الشهادة لمعين أنه من أهل الجنة. الأول أن لا يشهد أو أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء. Premier cas, on n'a pas le droit de dire qu'un tel il est min ahl al-jannah, il ira au paradis, ou il fait partie des gens du paradis, sauf pour les prophètes et les messagers. وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي وعلي بن المديني. وهذا القول في نظر. Ce قول, on va voir qu'il y a un قول, il est asah, il y a des preuves que d'autres personnes, ce ne sont pas des prophètes ni des messagers, on a des dalils, أنهم يسيرون في الجنة. هذا القول في نظر. Deuxième قول, أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. Et c'est ça le قول صحيح. Si on a une preuve, on a un tel il est min ahli al-jannah, on dit un tel il est min ahli al-jannah. Comme Abu Bakr, As-Siddiq, Omar, Uthman, Ali, et les six autres, Aymin al-Ashara, et d'autres, comme Khadija radiyallahu anha, Fatima, tous ceux-là, on a dit adillah, nahum ils sont fil jannah. On a dit nahum ils sont min ahli al-jannah. Troisième قول, annahu yushhad bil jannah li ha'ula li man shahida lahu al-mu'minun. لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. Troisième قول, أن si المؤمنون ils disent que un tel il est min ahli al-jannah, et les croyants ils ont une bonne image de ce croyant et ils l'ont vu faire des efforts etc. S'il meurt et ces croyants ils pensent qu'il est min ahli al-jannah, on dit il est min ahli al-jannah. قال, et il se base sur حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, أن جنازة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا. Une janaza, un mort, ils ont fait passer un mort devant le prophète صلى الله عليه وسلم, et il y avait des compagnons معه, ils ont bien parlé de ce mort. فأثنوا عليها خيرا, et sur cette janaza ils ont dit أنه il est طيب, أنه كذا كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. وجبت, ça vient de واجب, quelque chose d'obligé. Et vous allez comprendre avec la fin du hadith. Une autre janaza, et un autre mort qui est passé devant eux, et ils ont parlé en mal de lui. Ils ont demandé au prophète, c'est quoi wajabat? Littéralement, ça vient de l'wajib, et c'est obligatoire. قال صلى الله عليه وسلم ما من أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة. Et celui dont vous avez parlé en bien, فوجبت له الجنة. Et le jannah est obligatoire pour lui, et il rentrera في الجنة. ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. Celui dont vous avez mal parlé, il ira في النار. أنتم شهداء الله في الأرض. Et vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Enfin, ce troisième qawl montre que si les gens ils se rassemblent, ils disent que Fulan il est tayyib, c'est un mu'min, il est ala khayr, il est min ahli al-jannah. S'ils disent qu'il est ala shar, etc., il est min ahli al-nar. Ça c'est le qawl. Le troisième, il est basé sur hadith Anas. Hadith Anas, il est sahih. Lakin qal wa rajih wallahu a'lam huwa al-qawl al-thani. L'avis le plus juste c'est le qawl al-thani, ay on ne dit pas anna un tel il est fil jannah sauf si on a un dalil. Ça ne veut pas dire que si on ne dit pas qu'il est min ahli al-jannah, il n'est pas min ahli al-jannah. Il ne faut pas comprendre ça. Il y en a chaque mu'min, il est fil jannah. Il ira fil jannah plutôt. Chaque mu'min, il ira fil jannah. Lakin, est-ce qu'un tel il est mort à l'iman? C'est une autre question. Falihada, on se tait. Allahu a'lam. Amma ceux dont on a un dalil, fa'ha'ula, on dit annahum, ils sont min ahli al-jannah. Même si ils sont vivants, comme à l'époque du professeur sallam, Abu Bakr ou Omar, ils étaient vivants, et il y avait des preuves qui montraient qu'ils feront partie de Ahl al-Jannah. Amma le premier qawl, fa, là, annahu, on peut dire que sur l'Anbiya wa al-Rusul, annahum, ils sont min Ahl al-Jannah. Et le troisième, qala, wa amma hadith, antum shuhada'ullahi fil ard, fa huwa mahmoul ala al-raja wa ghalabat al-dhan. Na'am. Yana al-hadith, il est sahih, donc, il est mahmoul. Certains savants ils ont dit c'est le qawl sahih, annahu c'est min bab al-raja', ay on espère annahu il est min ahli al-jannah, c'est pas min bab al-jazm, la certitude, lianna on peut se tromper, anna wahid on pense qu'il est ala khair et on sait pas il est mort sur quoi, wa ghalabat al-dhann, ay c'est pas la certitude. Wa yadul ala dhalik hadith Sa'id ibn Abi al-Waqqas 'inda al-Bazzar wa ghayrihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yushaku أن تعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فقوله في الحديث يوشك يدل على أنه لا نستطيع الجزم بذلك. استدلال للطيب لأن حديث سعيد بن أبي وقاص il explique حديث أنس كيف الصحيح il le détaille. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أي vous arriverez presque à savoir ce qui أهل الجنة et أهل النار. Ils lui ont dit comment يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. أي الثناء c'est parler en bien, الثناء السيء c'est parler en mal. Donc ça explique أن le premier hadith c'est من باب غلبة الظن والرجاء, pas من باب اليقين. لأن pour avoir اليقين d'une personne il est من أهل الجنة, ils nous font un délit. لأن on ne sait pas il est mort à la mada. Et certains savants ils ont pris كذلك ce قول pour dire sur أهل النار. On ne sait pas il est mort à la mada. Enfin, on ne dit pas il est min ahl al-nar. Wallahu a'lam, celui qui veut des détails, il revient à la kalima qu'on a dit. Et à quoi l'ahl al-ilm, il y a beaucoup de paroles sur cette mas'ala. Et cette mas'ala, comme tara al-khilaf al-qawi, est-ce qu'on peut dire un tel il est min ahl al-nar et min al-kuffar s'il meurt, le khilaf al-qawi, là, yunkar ala man qala annahu, on ne dit pas. كثير من العلماء يقول tu dis pas annahu il est min ahli an-nar même s'il est mort ala al-kufr, tu sais pas il est mort ala madha fi al-haqiqa. C'est une mas'ala khilafiyya, elle reste mas'ala khilafiyya. Celui qui choisit ce qawl, alhamdulillah, celui qui choisit un autre, alhamdulillah. L'essentiel, choisis ton qawl bi'ilm et fonde ton qawl ala al-ilm, pas ala al-hawa. Qala wa yadullu ala dhalik aydan hadith umm al-ala fi al-bukhari annaha qalat fi Uthman ibn Maz'un رضي الله عنه شهادتي عليك لقد أكرمك الله. استدلال كذلك طيب في صحيح البخاري. أم العلاء رضي الله عنها على حديث عثمان بن مضعون شهادتي عليك لقد أكرمك الله, أي mon témoignage sur toi c'est qu'Allah t'a honoré, أي تمو على خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليها, النبي صلى الله عليه وسلم إلا entendu, أي cette femme أم العلاء, فقال وما يدريك أن الله أكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كي سكت أنفرميك الله إلا أنغي عز وجل. فقالت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله. سا montre التواضع أن الصحابة رضي الله عنهم يزافون تواضع عجيب avec النبي صلى الله عليه وسلم. على دموند يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كي سك الله سبحانه وتعالى يبقى أنغي. فقال أما هو فقد جاءه اليقين, أي عثمان بن مضعون إلى مور جاءه اليقين. والله إني لأرجو له الخير. Vous avez vu كلام النبي صلى الله عليه وسلم, أي j'espère أنه إلى مور على خير. أرجو ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال moi-même je suis رسول الله et je ne sais pas on va faire quoi de moi. Et ça c'est من باب التواضع. أما الأنبياء والرسل ils sont tous في الجنة, لكن كذلك c'est pour أدب الأمة, pour montrer à chacun que ne pas se précipiter à juger les autres. S'il est mort فالإنسان يتأنى. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. أم العلاء elle a dit après que النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit cette parole, elle a juré que elle ne ferait plus de tazkiya à quiconque. تنبيه وفائدة ينفني بهذا سكور نقرأ الجنة والنار موجودتان قد أعدهما الله أعادنا الله من النار وأدخلنا الجنة. Et ça c'est un point important في العقيدة dans ce sujet, أن الجنة النار elles sont présentes الآن, الله les a créées. ودليل وجودهما قوله تعالى في الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله, وقوله تعالى في النار أعدت للكافرين, وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. أدلة واضحة أن الله عز وجل قال أعدت, أي في الجنة أي في النار. أعدت ça veut dire elle a été préparée, ça montre qu'elle a été préparée, qu'elle existe, أي الجنة والنار. والأحاديث في ذلك كثيرة, منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها ثم أمر بها فحفت بالمكاره. ولما خلق النار قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت إلى لأهلها فيها ثم أمر بها فحفت بالشهوات. الحديث كذلك لكلا لما خلق الله الجنة أي quand الله سبحانه وتعالى il a créé le jannah il a dit à Jibril va voir le jannah et quand il a créé le nar il a dit à Jibril va voir le nar. Ça montre que Allah il a créé le jannah et le nar. وفي الصحيحين عن أنس أو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة إلى النار. Ça montre que الجنة النار الله les a déjà créés. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم les a vus. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة quand il est monté au cieux عليه السلام المعراج. وفي حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار يعني وهو يصلي. Donc il a vu الجنة والنار. وعلى ذلك أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكر وجودهما من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع والضلال. Et هؤلاء ils ont rejeté هذا. Pourquoi? لأنهم ils se sont dit عيادا بالله pourquoi Allah il aurait créé le jannah wal nar alors que les gens ils sont pas encore fi le jannah wal nar. Pour eux il y a aucune utilité. عيادا بالله. Ils font passer leurs raisons avant les textes. Les textes ils sont clairs. Allah subhanahu wa ta'ala awalan yaf'al ma yurid, il fait ce qu'il veut. Et qui c'est qui a informé haoula qu'il n'y a aucune utilité? Allah il crée ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Lakin haoula il délaisse les textes, iyadam billah, et il se précipite à rejeter le haq. Qal wa min aqidati ahli sunnah wal jama'a fi al jannah wal nar annahuma abadiyatan la tafnayan abadan. Dernier point, anna al jannah wal nar c'est des demeures éternelles, elles disparaîtront jamais. قال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وقال ربنا عز وجل أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. أكلها دائم. دائم ça veut dire éternel, ça s'arrêtera jamais. وقال ربنا عز وجل إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي من انقطاع أي ça sera jamais interrompu, arrêté. وقال جل جلاله وما هم منها بمخرجين أي ils sortiront jamais. Ça montre que cette demeure elle restera. وقال ولهم عذاب مقيم أي في الكفار عذاب مقيم. Muqim ça vient de l'iqama. L'iqama c'est la résidence. Adab muqim c'est un adab qui reste toujours. Ay mustamir la yanqati'. Wa qala kullama khabat zidnahum sa'ira. Ça montre annahum 'iyadan billah fi an-nar, ils seront daiman fi adab. Wa qala khalidina fiha abada wal khulud, c'est l'éternité. وخالف في ذلك الجهمية فقالوا بفناء الجنة والنار فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع. نعم. أما الجهمية عياذا بالله ils ont dit أن الجنة والنار ces deux demeures elles disparaîtront. Et هؤلاء كما تعلمون c'est pas leur premier égarement. Ils ont beaucoup d'égarements في الإيمان في الأسماء والصفات في العقيدة عموما. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.